Unité 5, leçon 1. Exercice 40. Faire des concessions. Relier deux phrases. Exemple. Il y a beaucoup de travail clandestin en France. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de travail clandestin en France. À vous. L'économie propre, ça peut exister. J'en suis sûr. Je suis sûr que l'économie propre peut exister. Il n'y a pas d'autre choix industriel que ceux que nous avons faits. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre choix industriel que ceux que nous avons faits. Nous nous y sommes pris trop tard pour louer. Je le regrette. Je regrette que nous nous y soyons pris trop tard pour louer. Les administrations sont-elles toujours bien informées? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les administrations soient toujours bien informées.